La liqueur la plus célèbre d'Europe est le cassis de Dijon. Elle existe aussi en Allemagne ? Oui, depuis 1979. Quelle chance qu'elle soit importée ! C'est précisément ce qui n'était pas possible à l'époque. Jusqu'à ce que la Cour de justice européenne donne raison à la chaîne de supermarchés Rewe contre le Bundesmonopol Verwaltung für Branntwein. Qu'est-ce que le Bundesmono ? Le monopole des alcools était contrôlé depuis 1951 par l'administration fédérale du monopole des alcools. L'administration du monopole des alcools elle-même n'avait toutefois pas été créée sur la base de la loi sur le monopole des alcools, mais par la loi sur la création de l'administration fédérale du monopole des alcools. La loi sur la dissolution de l'administration fédérale du monopole des alcools et d'autres lois du 10 mars 2017 a dissous l'administration fédérale du monopole des alcools à l'expiration du 31 décembre 2018. Superbe virlangue, tu pourrais le redire ? Le mono... Non, c'était une blague. C'est quoi le rapport avec la liqueur de Dijon ? La chaîne de supermarchés de Cologne voulait importer et vendre en Allemagne le fameux cassis de Dijon. L'administration fédérale du monopole des eaux de vie a cependant interdit à Rewe de vendre la marchandise en provenant de France, car la teneur en alcool de la liqueur était inférieure au taux exigé par la loi allemande sur le monopole des eaux de vie pour les liqueurs. La liqueur n'avait pas assez d'alcool ? Pour être vendue comme liqueur en Allemagne, oui. Mais aujourd'hui, je trouve toutes sortes de spécialités de toute l'Europe dans le supermarché. C'est grâce à une décision fondamentale de la Cour européenne de justice en 1979. Pourquoi la Cour de justice européenne ? C'est une affaire entre deux parties allemandes, non ? Les parties, oui, mais l'objet du litige est un produit européen. Après que l'administration fédérale des monopoles a prononcé l'interdiction, l'entreprise s'est tournée vers le tribunal financier de Hesse, au motif que la base de l'interdiction n'était pas compatible avec la liberté de circulation des marchandises inscrites dans le traité de la Communauté économique européenne. Donc il y a une contradiction. Elle n'aurait pas pu être prévue ? En principe, oui, mais il y a tellement de réglementations qu'il est impossible de prévoir toutes les éventualités. C'est pourquoi il existe des tribunaux qui doivent décider, sur la base d'une situation concrète, comment les lois sont à interpréter les unes par rapport aux autres. Qu'a décidé le tribunal de Hesse ? Il a décidé de demander à la Cour de justice européenne si, et si oui, comment le gouvernement fédéral contrevient à la libre circulation des marchandises. Comment cette autorité étrangère peut-elle prendre une telle décision ? Elle n'est pas si étrangère que cela, puisque l'Allemagne est un membre fondateur de l'Union. Et il y a justement des principes établis en commun qui sont appliqués dans différentes situations. À l'époque, il y avait encore de nombreuses réglementations nationales pour les produits. La libre circulation des marchandises n'était quasi qu'une idée, un objectif. Eh bien, quand je vois toutes ces marchandises dans les magasins aujourd'hui, je me dis que ça a dû marcher pour l'importation de cette super liqueur. Eh oui, la Cour s'est appuyée sur deux principes. D'abord, la libre circulation des marchandises dit que tout produit autorisé dans un État membre peut être vendu dans un autre pays. Il n'est donc plus possible d'avoir des restrictions propres à un pays ? Si. Et c'est le second principe, seulement ceux qui répondent à des exigences impératives d'intérêt général. Parce que ça perturbe une recette fiscale importante, ou parce que ça menace la santé publique. Donc, dans le cas de la liqueur de cassis, la liqueur ne peut pas être interdite, puisque sa teneur en alcool est trop faible. La santé de la population n'est pas mise en danger, ça semble évident. Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. Cet arrêt a créé un nouveau monde. Et une nouvelle conception du marché intérieur qui s'étendra bien au-delà de l'alimentation. Cet arrêt a posé les jalons d'une Europe du marché libéral, qui a aujourd'hui quasiment un statut de valeur commune de l'Union. Et les spécificités des États membres ne s'appliquent plus ? Avec cet arrêt, la charge de la preuve a été inversée. Ce n'est plus l'Union ou les membres qui doivent prouver qu'un produit est acceptable pour tous, mais le membre qui doit prouver qu'un produit menace le bien commun intérieur. 10 ans plus tard, ça a donné lieu à un autre conflit, cette fois au sujet d'un sanctuaire culturel allemand, le Reinheitsgebot für Bier. Mais ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr, et heureusement. Mais pas seulement. À l'époque, l'Allemagne voulait interdire l'appellation bière aux bières importées ne respectant pas le Reinheitsgebot. Et elle a justifié sa décision par le fait qu'il n'est pas prouvé que les additifs présents dans la bière ne sont pas nocifs. Et comme on boit beaucoup de bière en Allemagne, la population ne doit pas être trompée et potentiellement mise en danger par cette autre bière. Cela ressemble exactement aux exceptions prévues. Pas pour la Cour de justice européenne. Ces autres bières sont en effet autorisées dans les autres États. Et ceux-ci ont également beaucoup d'expérience avec leur bière. Et donc l'Europe a levé l'interdiction. Ça signifie qu'on trouve désormais au supermarché des liqueurs moins alcoolisées et au rayon bière, des bières aux arômes originaux. Santé. Mais ça reste de la bière. Oui, il faut indiquer ce qu'il y a dedans. Sinon, c'est une tromperie et le produit doit être retiré des rayons. La Cour européenne de justice est très stricte à ce sujet. Pour une étiquette, une telle bagatelle? Pour ce qui est écrit dessus, en tenant compte de ce qui est dedans. Quand on en a assez de la liqueur et de la bière, un thé aux fruits fait du bien. Et tu connais certainement aussi l'infusion de fruits à la framboise et à la vanille. Je préfère la camomille, mais mes enfants adorent ça. Il y a eu un thé aux fruits bien connu, l'aventure framboise-vanille de Félix, avec des fleurs de vanille et des framboises juteuses dessus. Ah oui, une jolie petite boîte. Sauf qu'il ne s'y trouvait ni vanille ni framboise. Pas même des extraits? Pas même des extraits. L'étiquette portait seulement la mention « arôme au goût de vanille » et « arôme au goût de framboise ». Ça n'a pas du tout plu à la protection des consommateurs allemandes qui a porté plainte contre le fabricant. Se plaindre de quoi? Tout est écrit. C'est ce qu'a déclaré le Oberlandesgericht de Düsseldorf. L'association de protection des consommateurs et consommatrices a ensuite fait appel à la Cour fédérale de justice de Karlsruhe sous prétexte que le produit n'était pas suffisamment clair et que la conception de la boîte était délibérément trompeuse. La Cour fédérale de justice n'était plus sûre et s'est tournée vers la Cour de justice européenne. Je pensais que c'est les États membres qui s'occupent de la santé et de tout ça. Il ne s'agit plus de savoir si le produit a été fabriqué correctement, mais si l'information sur le produit est correcte. Et l'Union a adopté une directive en ce sens pour la protection des consommateurs. La Cour de justice européenne est donc designer graphique. En tout état de cause, c'est l'ensemble de la présentation d'un produit qui compte pour elle. Et c'est ce qu'elle formule de manière très détaillée dans son arrêt, je cite « Ainsi, dans la situation où l'étiquetage d'une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé, pris dans leur ensemble, suggèrent que cette denrée contient un ingrédient qui en réalité en est absent, un tel étiquetage est de nature à induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques de la dite denrée. » En l'occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à un examen d'ensemble des différents éléments composant l'étiquetage de l'infusion aux fruits, afin de déterminer si un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et éclairé, peut être induit en erreur quant à la présence de composants de framboise et de fleurs de vanille ou d'arômes obtenus à partir de ces ingrédients. Dans le cadre de cet examen, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les termes et les images utilisées, ainsi que l'emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des différents éléments figurant sur l'emballage de l'infusion aux fruits. Ah, la boîte a donc disparu. Suite à l'arrêt de la Cour de justice européenne, le produit a été interdit sous sa forme actuelle et le fabricant a dû le retirer. La protection des consommateurs s'en est bien sûr réjouie car elle a ainsi créé une référence qui confirme la protection des consommateurs au niveau européen. En résumé, en Europe, on doit pouvoir boire de tout, mais seulement si on peut parfaitement savoir ce qu'on boit.